À force de marcher, pieds se sont usés. Il ne me reste plus que marcher dans la ville. J'enchais sur mes rotules en attendant le jour où en vrai cul de jade, je resterai sur le bitume.